Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marche, c'est un contour de l'exo. In R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est là. Bonsoir tout le monde, c'est Thierry Gallet, j'espère que vous allez bien et j'espère que je ne vais pas m'étrangler à un moment donné ou à un autre parce que j'ai un moustique, je ne sais pas trop quoi, qui rôde autour de moi et bon, on ne sait jamais, si je l'avale, vous serez au courant. N'appelez pas le SAMU, un moustique avalé, c'est pas grand chose, c'est un petit peu de viande. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Nous sommes pour la saga des Fab Four ici, jusqu'à 22h. C'est la saga des Fab Four numéro 462 sur RIG. Et l'album de la semaine, c'est Egypt Station, l'album de Paul McCartney sorti en 2018. Un excellent, mais vraiment excellent album. On écoutera Opening Station, I Don't Know, c'est à la suite. On écoutera également Come On To Me, Happy With You, Hand In Hand, Do It Now, le fameux instrumental que j'adore, Hunt You Down, Naked et Sea Link, à la suite. Et je pense qu'on aura le temps d'écouter Frank Sinatra's Party en fin d'émission. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera Instant Karma sur en single en 1970. Pour George Harrison, il nous chantera I Dig Love sur All Things Must Pass en 70 aussi. Trois ans plus tard, en 1973, sur l'album Ringo, Ringo nous chante Photograph, aidé par son copain George Harrison. Et puis les Beatles nous chanteront une chanson d'un album éponyme, A Hard Day's Night, sorti cette si belle année de 1964, année pendant laquelle il y a eu soi-disant des célébrités qui sont nées. Allez savoir lesquelles. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. On va se retrouver, bien entendu, sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, pour tout commenter, pour mettre des pochettes, pour demander des disques pour une autre fois, si vous le souhaitez. On peut faire des trucs comme ça. Il y aura une petite rubrique supplémentaire, tiens, puisqu'on a un petit peu de temps, une petite rubrique supplémentaire que je vais mettre de temps à autre. Local, je vous en parlerai plus tard. Voilà, bah ça se termine. Alors, autant monter dans la station. Nous allons faire un voyage du côté de l'Égypte avec Monsieur Paul McCartney qui ne nous déçoit jamais. En 2018, c'était encore fabuleux. Le voici. j'étais en train de consulter Facebook et j'allais laisser défiler le disque, hein, parce que moi, cet album-là, je le trouve vraiment très très bien. Revenons au début des années, au début de l'année 1970, avec John Lennon qui marque un grand coup et qui a trouvé un peu ce qui sera son style post-Beatles, avec de la voix en écho, avec un mur de son grâce à Phil Spector. Voici la chanson Instant Karma, un grand hit. Karma's gonna get you, gonna knock you right on the head. You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead. Karma's gonna get you, gonna look you right in the face. Better get yourself together, darling. Join the human race. Extrait d'une nouvelle compile qui vient de paraître pour John Lennon, qui s'appelle Give Me Some Truth, et il y a marqué Instant Karma Ultimate Mix. Je n'ai rien relevé de particulièrement différent, sauf peut-être, mais peut-être très légèrement un peu moins de souffle qu'avant. Mais c'est pas flagrant. Bon, en tout cas, j'ai la compilation. C'est normal, c'est pour vous le proposer à vous, les auditeurs de RIG. George Harrison, il creuse et il cherche l'amour, il a raison. 1973, Ringo Starr with the help of his friend George Harrison, j'allais me tromper. Donc oui, avec l'aide de son copain George Harrison, cette chanson, photographe, qui à l'époque, évidemment, au moment où ils l'ont écrite, ils pensaient à un gars qui voit une photo d'une fille qu'il a aimée, et puis la fille n'est plus là, donc quand il voit la photo, eh bien, il y pense à cette fille-là. Et puis, lorsqu'il a fait le concert pour George, après la mort de George, Ringo Starr, il a chanté cette chanson et il a dit « Depuis la mort de George, cette chanson n'a plus la même signification pour moi. » Et oui, il regarde une photo de George, il se rappelle combien il aimait ce gars-là et George lui manque. Voilà, c'est triste, mais ça marche aussi dans ce sens-là. Nous avons écouté McCartney, Lennon, Harrison, Starr. Il est temps de parler de Lovely Rita et de son site pour tout savoir sur John, Paul, Ringo, George. Et il en manque un. John, Paul, Ringo, George. Eh bien non, il y a les quatre. Allons-y. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. Sleeping like a log, but when I get home to you, I find the things. you. I find the things that you do will make me feel alright. You know I feel alright. You know I feel alright. Importante cette année 1964 parce que c'est leur premier film, Hard Day's Night. Toutes les chansons, excepté la chanson éponyme, furent écrites à Londres et surtout furent composées indépendamment du scénario, raconte Alan Owen. Paul et John les écrivaient et elles étaient intégrées à l'histoire au fur et à mesure de leur livraison. Aucune d'entre elles n'a le moindre rapport avec l'action du film. Ce ne sont que des chansons. Le film n'avait pas de titre parce que les Beatles avaient refusé On the Move, Let's Go et Beatlesmania. A Hard Day's Night fut la dernière chanson composée et son titre fut finalement adopté pour l'album et pour le film. Cette phrase fut attribuée à Ringo Starr qui raconta en 64 « C'était après une journée de travail particulièrement difficile qui s'était prolongée tard dans la nuit. Quand je suis sorti en pensant qu'il faisait encore jour, je me suis exclamé « Quelle dure journée ! It's been a hard day !» Et puis j'ai regardé autour de moi et je me suis repris en voyant qu'il faisait nuit. « Night !» Le jeu de mots repose sur l'apostrophe S qui peut être l'abréviation de « it is » ou d'un possessif. Ce fut une dure journée, il fait nuit, devenant ainsi la nuit d'une dure journée, si on veut, quelque part par là. Par contre, si vous ne le savez pas, si Ringo a effectivement inventé cette formule, alors il a dû le faire en 1963 et non pas sur le tournage de « Hard Day's Night », comme on l'a longtemps et logiquement supposé, parce que John Lennon l'a reprise dans son livre « In His Own Right » qu'il a écrit en 1963. Quoi qu'il en soit, Dick Lester, le réalisateur, jugeait que c'était un bon titre, tout à fait représentatif du rythme frénétique du film et de l'humour des quatre de Liverpool, qu'on a d'ailleurs, je crois que c'est ce film-là qui a été intitulé « Quatre garçons dans le vent ». Oui, enfin bon, pourquoi pas, c'était dans les années 60. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson-là. Après, pour le reste, eh bien, on va passer à la chanson suivante. Je ne sais plus où j'en suis, qu'est-ce que c'est la chanson suivante ? Oh, nous revenons à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album Egypt Station de Paul McCartney. Voici la chanson, une des premières qu'on a entendue, je crois, Come On To Me, sur RIG. More than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you? Come on to me, will I come on? Yes, it will now. Le temps de 2018 avec cette chanson Come On To Me et l'album Egypt Station en 1963. Cette chanson, lorsqu'il l'a composée avec John et qu'il l'a proposée, qu'il a fait entendre à son père, Paul McCartney, son père lui a dit « Oui, mais au lieu de dire « yeah, yeah, yeah », tu devrais dire « yes, yes, yes », c'est mieux, n'est-il pas ?» Et oui, ben, il n'était pas dans le coup, le père McCartney. « She loves you » sur RG. Let's go. She gets to saying goodbye. Écoutez, la saga des Fab Four numéro 462, une émission démarrée, alors démarrée à 20h, mais que j'ai créée en 1984 quelque part. Donc on démarre cette année, disons en 2021, la 37e année de la saga des Fab Four. J'adore ça. Et tant que vous serez là sur Facebook, et même de toute façon à écouter la saga, eh bien je serai là moi aussi, j'espère en tout cas. Je vous propose de continuer la saga avec une double chanson de Monsieur John Lennon. D'abord en solo, en 1970, mais là je vous ai choisi la version de 2004, la version acoustique de Look At Me. Et puis il y aura avec les Beatles sur Rubber Soul en 65, la chanson Nowhere Man. Supposed to be, who am I supposed to be? Look at me, what am I supposed to be? What am I supposed to be? Look at me. Oh, for you. You don't know what you're missing. Que vous avez chanté en même temps que la chanson. Moi aussi, je l'ai fait. J'ai éteint le micro, mais j'ai chanté parce que cette chanson-là, elle reste dans la tête. Elle est très, très belle. C'était un moment où John avait l'impression d'aller nulle part. Il disait que le Nowhere Man, bah, c'est lui. Un peu comme dans Help, quand il a chanté Help, bah, celui qui criait à l'aide, c'était lui. Ah, mais c'était pas lui le morse, en tout cas, parce que c'était Paul. Il l'a indiqué après. Puisqu'on parle de Paul, revenons à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Egypt Station. Et voici l'une de mes nombreuses chansons préférées sur cet album-là. Happy With You sur RIG 90.7. I sat around all day. I used to get stoned. I like to get wasted. But these days I don't, 'cause I'm happy with you. Got lots of good things to do. Oh yeah. I walked around angry. I used to feel bad. To be sad, 'cause I'm happy with you. I got lots of good things to do. Oh yeah. Like hear the high clear robin sing, walk a bluebell carpet, watch the children playing games. Catch a moon and drop it. Hear the gentle mantra roll on a frosty morning. See the mighty ocean break like a sailor's warning. I used to drink too much, forgot to come home. I lied to my doctor. I don't, 'cause I'm happy with you. I've got lots of good things to do. Oh yeah. Yeah. Throw a pocket full of coins in the Trevi fountain. See an ice cold running stream rushing down the mountain. Hear a newborn baby lamb calling for its mother. Watching reunited friends loving one another. I sat around all day. I like to get stoned. I used to get wasted. These days I don't, 'cause I'm happy with you. Got lots of good things to do. Oh yeah. Franchement, Paul, lorsque tu reviendras à Bordeaux l'année prochaine, parce que tout le virus et tout ça, ce sera du passé, pense à mettre plus de chansons de Egypt Station et puis pense à commencer aussi ton concert avec So Glad to See You Here. Ce serait bien. Voici George Harrison sur RG et cette chanson, Stuck Inside a Cloud, extrait de Brainwashed en 2002, son dernier album. Never slept so little. Never smoked so much. Lost my concentration. I could even lose my touch. Talking to myself, crying out loud. Only I can hear you now. Stuck inside. Cloud. I've made some exhibition. I lost my will to eat. La radio des Beatles. I look at all the lonely people.

deux chefs-d'œuvre. Un en 1965, celui qu'on vient d'entendre, Girl, c'est de John Lennon. L'autre en 1966, un an après, sur l'album Revolver, Eleanor Rigby, c'est de Paul McCartney. Quel grand compositeur étaient ces deux-là? La voici, Bring On The Lucy, mais dans une version de travail, John Lennon. Picking up some. You know, one and a two and a three and a four. Hey! Let's hear, hold on. Let's hear more bass in the earphones and more of the slide guitar. Voilà. And a touch less of the piano. On va s'arrêter là. C'est un peu le foutoir à chaque fois, les répètes avec John Lennon. Mais enfin bon, là, cette version, je l'aime bien. Cet extrait de l'anthologie John Lennon, sortie en 1998. C'est l'anthologie de New York City. Voilà. On revient à l'album de la semaine. L'album, c'est Egypt Station, de Paul McCartney, sorti en 2018, avec ce nouveau morceau, Hand in Hand, sur RG. Take it to another level, you and me. Mm-hmm. try to make it happen, you can guarantee. Hand in hand, walking through life and making our plans. Hand in hand, let me into your light. Wanna show you my passion. We can make each other happy if we get it right. Making our plans, hand in hand, taking our time and making a stand. We can make this dream come true, only if we want to. We can make this dream come true. Sur cette chanson, Paul McCartney sait utiliser sa voix vieillissante pour en faire un super titre. Hand in Hand, c'est, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Ah oui, non mais carrément, l'album entier est un chef-d'œuvre. Voilà. On arrive à l'album, la cover plutôt. Et juste après, il y aura la nouvelle rubrique dont je vous ai parlé en début d'émission. La cover, c'est donc une chanson qu'a chanté John Paul Ringo George, que ce soit avec les Beatles ou pas, et qui est reprise par quelqu'un de connu ou pas. Ça pourrait être vous également, pourquoi pas, parce que j'ai donné des messages un petit peu à droite et à gauche, et je pense qu'on aura des retours cette année. Et donc, la cover choisie pour aujourd'hui, c'est un live en 2013. L'album s'appelle Pure McCartney, et c'est Tim Christensen, qui est des amis à lui, qui nous chante avec brio. Plusieurs chansons de Paul, mais un bon paquet même. Et voici Venus and Mars Rock Show. Il se débrouille très très bien. Voici la cover. interprétée, transformée et parfaitement réussie par Tim Christensen pour cette cover de Venus and Mars et Rock Show. La chanson suivante, eh bien, c'est la nouvelle rubrique que j'ouvrirai de temps à autre, pas tout le temps. Ça va me permettre, dans mon idée, de passer éventuellement des groupes bordelais et aussi des fils d'eux. Par exemple, Julian Lennon. Par exemple, peut-être James McCartney, peut-être, voilà, vous voyez, c'est la musique qui est en rapport avec les Beatles, plus ou moins, de plus ou moins de près ou de loin, mais de près, ce serait mieux. Le groupe que je vous propose d'entendre s'appelle Emery Station. C'est un groupe de pop-rock basé dans la région de Bordeaux, c'est pour ça que je leur donne un petit coup de pouce. Les musiques sont solidement interprétées par quatre musiciens chevronnés, tous issus de la sound rock bordelaise, et qui mettent en valeur des textes finement ciselés en anglais, s'il vous plaît, servis par des mélodies que l'on retient dès la première écoute. Je vous assure, j'ai leur album et je l'ai adoré dès la première. Les Beatles et les Stones ne sont jamais loin. Avec l'album Find My Way Again, sorti début de l'année 2020, pas de bol, Emery Station vous invite à un voyage qui n'est pas aussi imaginaire que l'on peut l'imaginer. Métaphore de la vie, ce voyage d'un jour vous emmène de la naissance, départ du quai on the way, je vais en parler tout à l'heure, jusqu'à la mort, arrivé à destination au quai anyway. On va écouter la première chanson, qui est un instrumental, composé par Bernard Rodriguez, que je connais personnellement. Dès le début du voyage, une voix lointaine sur le quai de la gare nous demande de retrouver le chemin et annonce le titre et la destination finale du voyage, Find My Way Again. Et le premier titre, donc réellement chanté, On the Dotted Line, qui musicalement évoque Electric Light Orchestra. Vous voyez, on est quand même dans les amis des Beatles. Je vous signale que cet album-là, si vous le souhaitez, il est disponible sur Spotify, Deezer, YouTube, iTunes, Apple Music, Amazon, etc. Et que le deuxième album des Emery Station est déjà en préparation. Je vous en propose donc deux extraits à la suite, puisque c'est un instrumental et une première chanson. Voici On the Way et On a Dotted Line sur RIG. C'est nouveau et c'est le coup de pouce de la saga des Fab Four. Moi, ça me rappelle aussi le début de Egypt Station de Paul McCartney. franchement, dès la première écoute, ça m'a plu. Donc, le groupe Emery Station avec ce superbe disque qui s'appelle, le nom de l'album, c'est Find My Way Again. On revient sur les Beatles et même sur Traveling Wilburys avec cette chanson en 1988, Handle With Care, Monsieur George Harrison et ses potes. Hate. Will we see the light before it's too late? Skies are getting dark, tears of sorrow falling. Listen to the voice and you will hear it calling. Now the time has come. Time has come for it. or you can give a loss. Let them know that they're not forgotten. Let's open up our hearts, may all the violence cease. Let's all come together on this day of peace. So said and done. We're living in a world that's constantly creating. So it lies within us all. Children, they are waiting. Now the time has come. Time has come for everyone to lay down. Surpris les habitués de la saga des Fab Four, j'ai dû passer peut-être cette chanson-là au moment où elle est sortie en 2017. C'est Richard Starkey alias Ringo Starr, alias également des copains comme Colin Hay, l'ancien de Men at Work. Il y a également Richard Page, il y a aussi un autre mais le nom ne revient pas. Donc une chorale pour dire « Now the time has come for peace and love ». C'est tout à fait le message de Ringo Starr. Et donc il fallait que je le repasse, surtout en ces temps assez ombrageux, on va dire, quelque chose comme ça. L'album de la semaine, c'est l'album de Paul McCartney en 2018. L'album s'appelle Egypt Station. Voici un nouvel extrait, Do It Now, une superbe chanson. Je le dirai à chaque fois parce que toutes les chansons sont bien sur cet album. Got the time, the inclination. I have answered your invitation. I'll be leaving in the morning. Watch me go. I don't know where the wind is blowing. Got directions to where I'm going. Nothing's certain. That's the only thing I know. Do it now. Do it now. While the vision clear. Do it now while the feeling is here. If you leave it too late, it could all disappear.

tu reviendras à Bordeaux en concert, on serait pas fâché si tu nous jouais ça là, ce morceau qui s'appelle Hunt You Down, Naked et Ceiling, parce que ça te permettrait de chanter tranquille et après d'avoir un bon moment d'instrumental pour reposer ta voix. Et nous on adorerait ça, fais-le. Et puis surtout en début du concert, chante So Glad to See You Here, s'il te plaît. Oui. Allez, on ne pouvait pas redémarrer cette rentrée sans cette chanson-là. While My Guitar Gently Weeps, ma chanson des Beatles sur RNG. See?

Journée et 50 ans plus tôt, c'était Lady Madonna sur RIG. C'est le dernier titre de la saga des Fab Four. Après, Johnny de A à Z et Eric. Lady Madonna, children at your feet. Wonder how you manage to make ends meet. Who finds the money when you pay the rent? Did you think that money was heaven sent? Friday night arrives without a suitcase. Sunday morning creeping like a nun. Monday's child has learned to tie his bootlace. See how they run. Lady Madonna, baby at your breast. Wonders how you manage to feed the rest. Écoutez cette saga et dans quelques instants, Johnny de A à Z et l'impeccable Eric qui est surpris parce que je finis quasiment à l'heure. Et ça, ça l'affole un petit peu. Il n'a pas l'habitude de prendre à 22h. Donc je lui souhaite une très bonne émission et je sais que vous allez rester pour Johnny de A à Z. A très bientôt. Salut. Ciao.